se connaît depuis la cour de récré. Toi t'es mon frère d'une autre mais je me rappelle de nos histoires, nos premières GAV. T'es le seul de mes gars qui m'a vu pleurer. Je connais tellement des gens à qui j'ai fait confiance, mais aujourd'hui qui sont devenus des inconnus. Mais en toi j'ai confiance, tu m'as jamais déçu. Si jamais un doigt pour toi, je me mets torse nu. Et on a beau se disputer, même en amitié y'a des hauts et des bas. T'as su que j'étais ton refrain le jour où tu as dû enterrer ton papa. Je sais que tu peux compter sur moi. De la peine. On s'était dit il y a 10 ans qu'on emmerderait les médisants et qu'on bigraverait des albums par centaines. Au départ on était une cinquantaine. On avait faim, on manquait d'oxygène. Mais toi t'es resté présent, tu as traversé les saisons. Même quand j'avais tort et quoi qu'il en advienne. Et on a beau se disputer, même en amitié y'a des hauts et des bas. T'as su que j'étais ton refrain le jour où tu as dû enterrer ton papa. Je sais que tu peux compter sur moi. Quoi qu'il en coûte, je serai toujours là pour toi. Tu sais très bien que si on tire sur toi, je prendrai la place de Thibaut Courtois.